nous voici dans le salon d'écoute du Festival Archipel, cet espace tout cosy, tout confortable, dans lequel on peut écouter des sons dans des super conditions, non seulement pour les corps, mais aussi pour les oreilles, avec l'acousmonium de la Meg. À midi, c'est le moment des partages d'écoute. Donc, c'est un moment où un artiste invité du festival, parfois des personnalités pas forcément invitées du festival en tant qu'artiste, pour partager des sons, des musiques qui les ont accompagnés, qui les accompagnent encore, qui ont influencé, qui ont inspiré. Enfin, tout sauf sa propre musique, en gros. C'est ça la règle. Et aujourd'hui, l'invité, c'est Vincent de Roguin, qui est artiste sonore, compositeur acousmatique, essayiste aussi, auteur. On lui doit un ouvrage sur Terry Riley ou sur PTR, pour dire l'association pour le rock. Ses goûts musicaux et ses intérêts sont immenses. J'aimerais aussi le saluer spécialement, parce que c'est quelqu'un avec qui on échange depuis longtemps, sur la musique en général. Et il a souvent déclenché des points de départ, d'idées, d'envie qui se retrouvent dans le festival. Donc, merci Vincent pour ça. Et je te laisse la parole. Alors, merci Marie. Quand tu m'as demandé de faire ce partage d'écoute, ça me pose toujours des problèmes, parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on sélectionne. Et du coup, je me suis dit, il faut des contraintes assez dures pour pouvoir naviguer dans les milliers de fichiers, les centaines, milliers de disques. Et je me suis dit, je vais prendre une contrainte particulière, qui est celle de la période Covid. Et je me suis dit, je vais commencer à peu près en mars 2020 et jusqu'à aujourd'hui. Et ça sera ça la période des choix que j'ai sélectionnés, spécifiquement des morceaux que je ne connaissais pas avant. Donc l'entièreté de ce que je vais présenter maintenant, ce sont des choses que j'ai découvertes dès mars 2020 jusqu'à aujourd'hui. Et ce sont des choses que j'écoute réellement. C'est-à-dire que là aussi, c'est une contrainte dans le sens où il y a des choses qui pourraient sonner bien ici, qui pourraient coller avec le festival, qui pourraient avoir plusieurs autres associations. Mais là, c'est vraiment les choses que j'écoute à la maison et qui me font intimement plaisir. Donc, ce n'est pas forcément des choses expérimental, c'est pas forcément des choses de recherche ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de... Vous allez découvrir aussi certaines choses. Et merci beaucoup d'être tous là et toutes là. Et c'est parti. Thank you. Summer evening, star drawn patterns across the sky, and all the dreams that I had forgotten, they come again to fade as soon, for now I see them, the golden apples in the red sun's dawn, the curling fingers of tomorrow's flowers on the damp green lawn. Because I loved you, because I wanted, because I didn't want to lose, I hung suspended in dark suspicion, unable to reach as far as you. For now I see them, the golden apples in the red sun's dawn, the curling fingers of tomorrow's flowers on the damp green lawn. Oh, see them falling, last leaves you gave me from the changing branches of my mind. Oh, see them rolling

Thank you. Freuden ganz wird sie gehabt. Pesto mie, miloj mamo, drago, da, miloj mamo, da. No. anti-aviator. Sooner than much later we'll be there. Flying high above the clouds, take a look and I'll be everywhere. I was a dreamer, but all I ever did was sit and stare. Take me out to no man's land. If you want to, I can take you there. Flying with me, we can take it easy for a while. Cruising far above the clouds, all I want to do is see you smile. Come down. Thank you. Walking wounded, every face on every bus. Merveilleux. Merci beaucoup, Vincent. Ouais, ça a été, oui, ça a été un peu là-bas au niveau technique. Mais... Il y a des problèmes techniques. Mais j'aimerais quand même te rassurer parce que j'ai des échos là avec la radio. Rudy qui n'arrêtait pas de dire mais c'est pas grave, c'est tellement beau. Enfin bref, j'ai vraiment envie, vraiment c'est ce que j'ai vécu ici aussi. J'espère vous aussi, mais je pense que on est dans un format quand même très comment on peut dire détendu quoi. Ouais. Donc si vous avez. Eh bien, on va quand même vous retenir pour que... Moi, j'aimerais bien... Voilà. Je vous fais juste la playlist. Exactement. Super rapidement. Ça a commencé par un enregistrement. J'ai noté ça à l'arrache, donc je n'ai pas les titres exacts, mais ça, juste de tête, en écoutant. Ça a commencé avec un enregistrement de Bach dans la Drôme il y a 2 ans, donc l'été il y a 2 ans. Ça a suivi avec un morceau de guitare classique de Montpou par Segovia, enchaîné avec de la musique péruvienne andine. Après, il y a un morceau... anglais, d'un groupe qui s'appelle C.O.B., Clive's Original Band, je crois. Après, il y a une pièce drone de Douglas Lilburn, qui est une pièce de 64, qui sonne très contemporaine. Après, il y a un duo tchèque, dont j'écoute mon nom, mais qui était super. C'est après, la longue pièce un peu minimaliste, avec des percussions exotiques, c'était Michael Ronta, et c'est celle-là qui a un peu déconné, parce que... Ouais, et Thierry disait qu'il y avait des choses qui se passaient dans les basses que les haut-parleurs n'aimaient pas. Après, ça enchaînait avec un morceau de, je crois, Oswald von Wolkenstein, un morceau du 16e. Focal. Ouais. Et la pièce de musique indienne qu'on a écoutée sur disque, je me suis trompé plusieurs fois, c'est une musicienne qui s'appelle Kishori Amonkar, avec du vibraphone. Après, c'est un enregistrement de ma nièce à l'orgue. Okay. Une improvisation de ma nièce de 4 ans à l'orgue. J'ai cru que c'était Pancras. Ouais, c'était petit clin d'œil. John Beverly Martin, le long morceau Pop avec le piano à gauche. Pop avec le piano à gauche, exactement. Produit par Joe Boyd, producteur de Fairport Convention, Drake et plein de gens. Et super prod, je trouve. Après, il y a un groupe italien prog assez court avec un morceau un peu grunge, mais un morceau de 74, je crois. Sentimental Fix, le groupe s'appelle. Après, il y a un morceau de musique traditionnelle chinoise. Et on a fini avec Everything But The Girl, un morceau super kitsch, mais que je voulais entendre sur cette sono. Et voilà. Merci beaucoup. The Everything But The Girl. Ouais, c'est le groupe Walking Wounded. Non, non, c'est un kitsch. Avec une joie assez incroyable. Merci beaucoup. Merci Marie, merci Thierry, merci Olga beaucoup. Si j'avais un truc que j'oubliais de dire, pour ceux qui ne le savent pas éventuellement, Vincent c'est aussi le libraire du festival. Donc vous pouvez encore le voir beaucoup pendant ce festival et consulter et acheter des livres. Et cette playlist sera disponible dans les archives en fait, parce que comme ça on pourra mettre un son tout propre sans saturation et tous les titres. Bonne suite. Archi long. Archi bien. Archi beau. Archi radio. Archi doux. Archi cool. La radio du festival Archipel. Archi chouette. En direct. De 10h à midi. Archi nul. Sur Archipel. Archi fort. Archigrand.org.